Alors, si j'avais le temps, je le ferais. Comment est-ce que vous diriez ça? Si j'avais, donc, en espagnol, après « si », on va utiliser la forme tirée du passé du point. Alors, comment dit-on « j'ai eu » C'est un point dans le passé. Tuve. Tuve. Et « il » ou « elle » ont eu au passé. Si fuera necesario. Si fuera necesario, c'est ça, je le ferai. Lo haría. Lo haría. Encore une fois, si c'était nécessaire, je le ferai. Si fuera necesario, lo haría. C'est ça. Si fuera necesario, lo haría. Et maintenant, comment dites-vous « j'avais » Tenía. Tenía. Tandis que « j'ai eu » au passé du point. Tuve. Tuve. Et « il » ou « elle » au pluriel ont eu au passé du point. Tuvieron. Tuvieron. Et « si j'avais », maintenant, après « si », il vous faut utiliser le subjonctif imparfait. Et pour ça, vous avez besoin de partir du passé du point avec « il » ou « elle » au pluriel. Alors, « si j'avais », ça sera... Si tuviera. C'est ça, si tuviera.